is the thing most rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop for that body rock. You won't stop for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Micah G. M-I-K-E-R-N-G-S-E. Yo, M is microphone and G is genius. Micah G in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's time, Swen, so let's go back. We are going on a summer holiday. Do-do-do-do-do. We're going to London and New York City. Do-do-do-do-do-do. We are going on a summer holiday. Do-do-do-do-do. We're going to London and New York City. Holiday Rap, c'était au cœur des 80s, le hip-hop venu tout droit de Hollande par MC Miker et DJ Swen. Et au même moment en France, avec Sydney, on a chopé le hip-hop. HIP, HOP, d'accord. Mais à 11h et des brouettes, il est temps pour toi d'arrêter la breakdance pour éviter le limbago et de te vautrer confortablement dans ton canapé afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 172e épisode du Mangin Palace. Ainsi, ouvrons immédiatement notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, qui nous propose ce matin un abécédaire réduit à trois lettres. Le V de Vendetta, le D de démantèlement et le P de pitance à Pittsburgh. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Dominique de Villepin est donc arrivé au tribunal à 13h30, comme prévu. L'ancien Premier ministre qui comparait... Profession, promoteur d'affaires. ...dans l'affaire Kestrim, avait préparé une intervention offensive. Cette fois, je crois que nous sommes complètement saillés. Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme. Nicolas Sarkozy. Zoltan qui est aussi président... Tout à fait, c'est pas ça. ...de la République française. Mais je me sens vaguement, où va-t-on-nous ? J'en sortirai, libre et blanchi. Ah, vous appelez ça comme ça, vous ? Hier soir, interview de Nicolas Sarkozy, séquence au cours de laquelle beaucoup de choses ont été dites. Et là, toute l'attention se focalise sur un mot. Deux juges indépendants ont estimé que les coupables... Je vous ferai bouffer des pissenlits par la racine. ...devaient être traduits devant un tribunal correctionnel. D'où les réactions groussées des avocats. C'est la plus grave atteinte à la présomption d'innocence qui n'ait jamais existé en France. On va se faire virer, je vous dis. Mais non. Bonjour Christine Lagarde. Bonjour. Parlons du G20, la une du Figaro ce matin. La France durcit le ton avant le G20. J'ai eu le temps de réfléchir un peu de mon côté et je... Nous voulons des règles qui puissent jouer partout, parce que... Moi, tu sais, moi, j'ai pas grand-chose à foutre, hein. Puis ça me change les heures du bureau, ouais. Si on règle un petit morceau de la planète et qu'on laisse en jachère le reste, les mauvaises herbes, elles iront dans la jachère. Oh, elle parle joliment. On dirait un poème. Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. On revient ce matin encore sur le mouvement social à la Poste. L'histoire récente prouve que les grands engagements sont toujours suivis de privatisation. Et qu'est-ce qu'on ne croit pas ce qui va être inscrit dans le marbre de la loi ou les mensonges... C'est un marbre friable, la loi. Ou les mensonges proférés par M. Besancenot et Mme Aubry. Expliquez, j'ai du mal à comprendre. Quand le président de la République avait promis juré, en quelque sorte, pour le dire familièrement, que GDF ne serait jamais privatisé, est-ce que vous ne comprenez pas tout de même qu'il y ait une inquiétude quant à l'avenir public de la Poste ? Cette réforme, ce n'est pas la demande du gouvernement qu'elle se fait. Alors c'est ça, prenez-moi pour une bille ! C'est à la demande de la Poste elle-même, de son président, de son conseil d'administration. Ah, il y a des vicelards quand même, hein. À Pittsburgh, aux États-Unis, l'ouverture du G20 cette nuit. Les 20 chefs d'État les plus puissants au monde qui ont commencé par un dîner de travail. Et déjà quelques avancées. Tiens, essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Avancées qui sont pour l'instant modestes, puisque les débats proprement dits n'ont pas encore commencé. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Mais plusieurs accords seraient déjà en vue. Il est des nôtres. d'où un ton plutôt à l'optimisme. La joie m'a fait faire un petit pipi. Oui. Eh oui, on se marre bien, mais cette crise, nous sommes toujours en plein dedans et il ne fallait sans doute pas espérer que vint un 20G20 pour nous en débarrasser. Mais cette semaine, la panique au Mangin Palace a préféré enquêter sur une autre crise qui frappe en ce moment dans le désert, qui nous sert d'univers politique, à savoir une profonde crise de solitude. Et tout a commencé le week-end dernier à Montpellier, où Ségolène Royal tentait de rassembler ses fidèles. Vous vous sentez seule ? Non ! Moi non plus. Je ne me sens pas seule. Après la cérémonie de ce soir, je deviendrai la déesse du soleil intérieur. À l'extérieur de ces murs, seuls régneront la pluie et la misère. Merci à vous, mes loyaux adorateurs du soleil. Aujourd'hui, nous allons tous bronzer ensemble. Réjouissons-nous. Non, ne partez pas. Je suis votre déesse adorée. Vous devez rester et bronzer. Filons d'ici en vitesse. Pourquoi personne ne veut plus me vénérer? C'est dingue, ça! Pourquoi personne ne veut plus vénérer Ségolène Royal? La pauvre, elle a dû faire face à une longue série de défections et en premier lieu, celle de Manuel Valls, de Vincent Peillon ou encore de François Rebsamen. Bon, le coup était rude pour Madame Royal, qui a eu toute la semaine pour se faire une raison. Ça, c'est sûr, quand on est tout seul, on est peinard. Peut-être même le seul avantage, d'ailleurs. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on se fait chier, oui. Moi, je vois, si je suis seul à compter que je sois seul, j'ai compté, je suis seul. Eh bien, si je suis seul, c'est un choix. Ah non, c'est un choix. On ne peut pas imposer ça à quelqu'un. Moi, j'ai choisi la solitude. Et quand je dis que j'ai choisi la solitude, je pourrais aussi dire que j'ai choisi la liberté. De choix. D'être seul. Bah oui, bah je fais comme je veux, je ne demande rien à personne. Et personne ne me demande rien. C'est pas faux non plus. Oui. Personne ne demande rien à Madame Royal. Tandis que de son côté, la passionnariat esselée du socialisme aurait bien envie de demander des comptes à Martine Aubry, qui connaît elle aussi les affres de la solitude après les accusations de fraude autour de son élection à la tête du Parti Socialiste. Me voilà bien chanceuse. Hélas, Landy Bavray, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Et service d'autrui n'est pas un héritage. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous, Martine? Ce que j'ai? Oui. J'ai que l'on me donne aujourd'hui mon congé, monsieur. Votre congé? Oui, madame me chasse. Je n'entends pas cela. Comment? On me menace, si je ne sors d'ici, de me bailler sans coup. Non, vous demeurerez. Je suis content de vous. Voilà. L'appareil du Parti Socialiste soutient Martine Aubry, engluée dans son histoire de primaire, qui cadre plutôt mal avec l'idée de tricherie et de bourrage des urnes. D'autant que Martine a assez mal vécu la tentative de Ségolène de rallier ses alliés le week-end dernier. Oui, Martine, elle en a gros sur la patate. J'ai peur. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Franchement, je pensais pas que ça arriverait si vite. Pour qui je vais m'inquiéter maintenant, hein? À qui je vais faire du poulet puré? Oh, attends, je la comprends, la pauvre. Elle va vraiment être seule maintenant. De toute façon, je sais très bien que je n'intéresse plus personne. Mais si je harcèle, dis pas ça, dis ça, je vous dis. Si on allait en boîte, ça nous changerait peut-être les idées. En effet, aller en boîte, ça peut changer les idées. Mais sans doute moins que de fréquenter le Modem, puisque François Bayrou peut être une source de bons conseils pour un PS quelque peu isolé. Hier, un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit, t'as tenu combien de jours? J'ai répondu, bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert, Oui, sans nul doute, c'est un peu les yeux bandés, à l'aveuglette quoi, que l'opposition construit en ce moment les réponses à apporter à l'ultra-président qui, comme tu le sais, est parti pour New York lundi dernier afin de participer à l'Assemblée Générale de l'ONU, ainsi qu'au G20. Et cette distance placée entre lui et la France a laissé un homme seul, tout seul, notre Premier ministre François Fillon, qui semble néanmoins supporter assez bien cette situation, dis donc. Me retrouver seul, comme un grand, libre de mes mouvements, seul, comme un grand, pas fâché de ne plus être deux, comme avant, d'avoir tout pour moi, tout seul, finalement. Vivre à 100%. Évidemment, sans l'omniprésent président sur le dos, François Fillon savoure une solitude dont il ne dispose pas souvent. C'est vrai ça, on se sentirait presque seul quand notre président n'est pas là. Mais bon, tu n'as pas à craindre son absence, puisque grâce aux médias officiels, il est toujours près de nous. Merci de recevoir nos deux chaînes, TF1 et France 2. C'est une semaine chargée pour vous. Vous êtes absent 5 jours de la France. C'est long, c'est la première fois depuis le début de votre quinquennat. Je ne sais plus quoi lire dans le ciel. Reviens, reviens, reviens. J'étais d'ailleurs bien triste de l'inquiétude que j'ai donnée aux miens, peut-être aussi à ceux qui m'aiment, et je n'ai pas le droit d'être négligent dans la façon de m'hydrater. Et non, notre président n'a pas le droit d'être négligent dans la façon de s'hydrater. D'autant qu'en ce moment, ce n'est pas lui qui boit la tasse, mais plutôt les postiers, les hospitaliers et plus globalement tous les salariés. Alors, pour finir ce tour d'horizon de la vague de solitude qui a sévi cette semaine, la panique ne peut oublier, celle dont personne n'a parlé. Anémone Giscard d'Estaing qui s'est retrouvée toute seule face au bouquin de son coquin de mari qui fantasme sur Lady Di. Et Anémone a su utiliser un coaching de solitaire, la bonne vieille méthode Coué, système éprouvé pour se remonter le moral. Tu vas tout de même pas te laisser empapaouter par ces deux sous-produits de crème de bite d'âne qui puent la merde pourrie qui leur pend au cul comme des crottes de nez. Oh, non, pardon, j'en avais besoin. Hang around when I'm on the phone, then flip through my shit when she home alone. Hack my accounts, it's a damn disgrace. Facebook. my space. Ice on the cake, she bugs your boy's place. Call up the Jake, she dip but no trace. She heals the spy, the spy who loved me so. Much more than I bargained for. Much more than I. Spy, c'est l'espion de l'automne qui nous arrive de Miami par l'intermédiaire du rappeur Beat à Saillant. C'est qui Saillant ? Allons, tout ça c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, après avoir pris conscience que le sentiment de solitude est à l'ordre du jour ces derniers temps, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent. À 11h et des brouettes, sa curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. En préambule, sache que le 23 septembre 1939, il y a tout juste 70 ans cette semaine, Sigmund Freud disparaissait à Londres dans d'atroces souffrances, puisqu'il est mort, tiens-toi bien, d'un cancer de la bouche. Oui, triste ironie du sort pour celui qui nous a appris à soulager nos névroses par le truchement de la parole. Toujours est-il que mercredi dernier, à l'occasion de cette commémoration freudienne, nos joyeux fantômes radiophoniques ont vécu une bien étrange soirée dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Ainsi, l'esprit de Vienne était de retour. Alors tends bien l'oreille et découvrons ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives. Voici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions très angoissés. Mercredi soir, un revenant barbu s'est immiscé dans notre vie. Ce fantôme s'appelait Sigmund. Sigmund Freud. Évidemment, rien ne serait arrivé. Si Paul Diehl ne s'était pas permis de traiter le père de la psychanalyse, de hibou. Le renouveau radical apporté par Freud réside dans la mise en évidence de l'irrationalisme inhérent au fonctionnement psychique. Les psychanalystes me font l'effet d'être les hiboux de la psychologie. Ils voient dans l'obscurité. Je n'appartiens pas à ce monde. Nous étions affolés. Seul, Michel de Certeau, qui gardait la tête froide, réussit à analyser la situation. Le père est mort, mais il revient comme fantôme. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se constituer une place propre, dans tous les sens du terme, mais que cette place autonome, créée par la rupture, ou comme le dit Freud, par le crime, par l'élimination du père, est habitée par la loi de celui qu'on a supprimé. On est deux à la même place. Et Jean Bouvier, qui ne perdait pas le nord, tenta de nous refourguer une sorte de gris-gris qui était censé faire fuir les fantômes. Dans les magasins de New York, en effet, on peut trouver la petite boule freudienne. Elle est entièrement recouverte d'un duvet rouge vif. Il paraît que c'est très réconfortant au toucher. Elle est munie d'une paire d'yeux, docile, d'une paire d'oreilles, mais elle n'a pas de bouche, car elle n'a besoin que d'entendre. « Confiez-lui vos soucis, dit la notice, et vos peines. Au besoin, vous pouvez la battre, la fouler aux pieds, pour mieux vous-même vous défouler. » Évidemment, si Freud entendait cela, ce serait peut-être dramatique. Mais l'esprit freudien avait de grandes oreilles, et l'insolent fut précipité dans un trou sans fond. Alors Pierre Bertin essaya d'être plus malin, et de caresser l'ectoplasme dans le sens du poil. Freud étudie la psychologie de l'attitude humoristique. Il part d'anecdotes telles que celle-ci. C'est un condamné à mort qui trébuche sur une marche en montant à la guillotine et qui s'exclame « Mauvais présage ». Il cite aussi l'exemple d'un autre condamné à mort que l'on menait à la guillotine aussi, un lundi et qui, avant de monter sur l'échafaud, s'écrie « C'est lundi aujourd'hui. Voilà une semaine qui commence bien. » Toute angoisse nous avait quittés. Et au moment fatal, nous étions préparés. « Je suis venu vous chercher pour vous emmener là-bas. C'est là ma mission. » Eh bien voilà qui gâche quelque peu cette délicieuse soirée, non ? Et voilà, l'esprit était refoulé, mais c'était sans compter sur sa deuxième moitié. « Vous ne devez pas voir mon visage, mais vous pouvez connaître mon nom. On m'appelle la mort !» Zut, on a encore oublié Madame Freud. Merci beaucoup, Flora Bernard. Indéniablement, vous êtes notre diva du divan. Alors vautrez-vous maintenant afin de découvrir les nouvelles aventures de nos deux névrosés, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros-Boule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors, avant tout, souviens-toi. Dimanche dernier, nous avions abandonné notre Jean-Claude, planqué dans les jardins de l'Élysée, empêtré dans une sombre affaire de cassettes vidéo, puisque ce gros malin avait profité des journées du patrimoine pour dérober quelques images privées du couple présidentiel qu'il comptait exploiter sur Internet, bien sûr. Mais bon, très vite, les gorilles du palais ont eu raison de cette fourberie. Cela dit, quelques heures plus tard, de retour à Gros-Boule-les-Bains, Jean-Claude a proposé à Monique une autre idée pour se faire de la maille avec son nouveau caméscope numérique. Mais oui, voilà. Quoi ? T'as une idée ? Et si on faisait un porno ? Pas l'idée que j'aurais voulu. Quoi ? Oui, non, une seconde, réfléchis. C'est génial comme idée, ça. Attends, déconne pas, c'est une excellente idée. Attends, si c'était aussi simple, tout le monde voudrait en faire. Oui, sauf que la plupart des gens ont des options et de la dignité. On n'a ni l'une ni l'autre, ce qui nous place dans une position de rêve. Voyons les choses comme elles sont. Va chier, j'en ai de la dignité. Ah ouais ? La porno est devenue un produit de consommation, comme le Coca-Cola ou le Pepsi. Avec des quéquettes. Attends, il y a certainement une solution moins extrême à toutes nos difficultés financières. Qu'est-ce que tu proposes de mieux ? Eh ben, rien. Pour l'instant, Monique n'a pas d'autre idée pour se faire un peu plus d'oseille. Mais il est hors de question qu'elle se lance dans l'industrie pornographique. Certes. Sauf que Jean-Claude savait très bien que mardi dernier, c'était la date limite pour s'inscrire et participer au célèbre festival international de Seattle. En gros, il s'agit de leur envoyer un film porno amateur et le vainqueur empoche 2 000 $. C'est pourquoi, toute la nuit, Jean-Claude a tout de même écrit un scénario, les liaisons pornographiques. Et lundi matin, il a proposé à Monique d'y jeter un œil malgré tout. Écoute, c'est pas possible, j'ai lu les premières lignes, c'est pas possible. Donne-moi ça. La maison, intérieur jour, la petite Claire entre dans le salon. Elle est toute seule dans la grande maison et commence à mettre un peu d'ordre dans la pièce. Eh ben oui, elle fait un peu le ménage, quoi, ça n'a rien de choquant. Elle a si chaud qu'elle retire sa petite blouse de nylon qui était son seul vêtement. Elle est maintenant toute nue et continue à balayer. 15 secondes. Le film a commencé depuis 15 secondes et déjà elle est à poil. Mais c'est complètement passé dans les mœurs. Toutes les comédiennes se déshabillent maintenant. Elle s'allonge sur le carrelage pour chercher un peu de fraîcheur et se caresse doucement avant de s'endormir. Tu vas pas me dire que toutes les comédiennes se caressent doucement avant de s'endormir ? Mais c'est une question de traitement. Je te dis que cette scène peut être charmante. Plus vite ! Elle attrape le balai par le manche et se l'enfonce. Bah voilà, ça se suffit maintenant, hein ? Bon, ça suffit. Jean-Claude est persuadé que le synopsis de son film tient la route. Bien sûr, Monique est outrée et refuse catégoriquement d'interpréter ce rôle débile. Mais Jean-Claude refuse lui aussi de renoncer à son projet et du coup, il réfléchit à recruter une jeune actrice de la région. Seulement voilà, il n'a pas une thune évidemment et il faudrait un peu subventionner le tournage. C'est pourquoi lundi midi, il s'est pointé chez son banquier. Nous ne vous aiderons pas. J'ai apporté tous les papiers que vous aviez demandés. Je crois qu'ils sont en règle, hein ? Oui. J'ai apporté tout ce que vous... Oui, mais nous ne pouvons pas vous accorder un prêt, je suis désolé. Mais je suis en règle. Alors pourquoi vous ne me l'accordez pas, alors ? Monsieur, vous faites de la pornographie. Et la banque refuse de placer de l'argent dans la pornographie. Je ne fais pas de la pornographie. Je suis un acteur. Je regrette. Mais non, s'il vous plaît. Je regrette. Vous n'êtes pas loyal. Ce n'est pas juste. Une institution financière ne peut soutenir une société pornographique. Mais arrêtez de dire que c'est une société pornographique. Ça n'a rien à voir. Je suis un acteur. Je suis désolé. Visiblement, l'affaire du Jean-Claude semble mal barrée. Il n'y a personne pour soutenir et financer son sublime projet de réaliser ce film intitulé « Les liaisons pornographiques ». Du coup, pour se requinquer, il décide d'aller boire un verre de vin blanc à l'auberge des Cutournées. Quand soudain, Jean-Claude aperçoit un type qu'il croit reconnaître. Je m'appelle Jack. C'est vrai ? Oui. Je fais des... Enfin, je fais des films exotiques pour adultes. Oh, je sais qui vous êtes et j'ai déjà vu votre nom dans les magazines. L'Antre d'Ambre, Amanda, la salope à cheval. Oui. Oh, ils étaient super. Alors tu sais que j'essaie pas de te la jouer. Je suis un vrai pro. Ah ouais. Tu veux venir à ma table et boire un verre avec moi ? Oh non, j'adorerais, mais je dois travailler. Faut que tu bosses, que tu gagnes de l'argent, que tu payes ton loyer. Rejoins-moi à ma table, je vais te présenter certaines personnes. Très vite, ce Jack, surnommé Facial dans le milieu, se révèle être très intéressé par le scénario de ce film porno amateur. Et Jack Facial propose alors son aide à Jean-Claude. Immédiatement, ils se mettent à la recherche d'une actrice. Ils déambulent dans la rue quand soudain, Jack et son œil d'expert repèrent une employée du pressing juste à côté. Nos deux lascars pénètrent alors dans la boutique. Je vous explique, nous sommes cinéastes, en plein tournage pas très loin de chez vous, et on en est à la scène du baiser. On cherche une actrice, et vous êtes sublime. Mais je regrette, j'ai du travail, et je peux pas laisser le magasin. Mais ma sœur peut se libérer. Alma ? Quoi ? Viens voir. Ces deux messieurs tournent un film, pas loin, ils cherchent une fille. Quel genre de film vous faites ? C'est un genre de comédie d'aventure pleine d'action, le genre de film, vous voyez que... J'ai pas l'impression que vous ayez tout à fait pris conscience de ce que nous vous offrons. Nous voulons faire de vous une star. Je peux pas laisser la boutique, je dois rester ici. Mais faites-la tourner, c'est une excellente actrice. Oui ? C'est vous qu'on prend. Ah ouais, c'est bon ? Oh, ouais. D'ailleurs, il faudrait qu'on y aille parce qu'on a un tournage. Félicitations. Je vous remercie. On va s'éclater. Au-delà de ça, je vais réfléchir à des rôles pour vous dans nos prochains films. Vous, par contre, vous pouvez vous brosser. Je voulais faire de vous la nouvelle Marilyn, vous resterez blanchisseuse. Allez, on y va. Merci quand même de nous prêter votre sœur. On se dépêche. Alma, tu mets pas la langue. Bien, ils ont trouvé l'actrice. Par ailleurs, il était convenu que Jack Facial tiendrait la caméra. Mais, problème, qui va interpréter Monsieur Carlo, le rôle masculin ? Eh ben, lundi soir, c'est avec beaucoup de générosité que Jean-Claude accepte au débeauté et gratuitement d'être filmé par Jack dans la scène la plus torride. Cependant, Jean-Claude débute dans le métier. Alors forcément, avant le tournage, il se pose beaucoup de questions. Oui, bonsoir. J'ai effectivement plusieurs questions à poser à Rocco Siffredi, l'acteur de films de boules, parce que c'est un milieu professionnel que je connais assez mal, donc forcément j'ai des tas de questions qui me trottent un peu dans la tête. Alors, est-ce que Rocco a uniquement des rapports avec des personnes de son service, ou alors avec d'autres collègues, ou alors est-ce que tout le monde peut se mettre à poil pendant les réunions, sans que ça pose de problème ? Est-ce que sa boîte a un CE qui propose des week-ends sexy, par exemple, ou une cantine avec des thèmes X ? A-t-il déjà négocié ses 35 heures ? Maîtrise-t-il le logiciel Excel ? A-t-il des rapports avec des poneys ? Enfin voilà un peu toutes les questions qui me tarabustent et qui m'excitent. Merci. Bon, on verra ça plus tard, répond Jack Facial à Jean-Claude. Pour l'instant, il faut tourner LA scène de ce film. Allez hop, tout le monde en place, musique, c'est parti. Bien, vous savez ce qui vous attend, alors déshabillez-vous, on travaillera toute la nuit. Jean-Claude trépigne. Il est tout tendu, pépère. Il se mordit les lèvres, puis embrasse délicatement celle de sa partenaire. Coupé ! Voilà, c'est fini, annonce Jack. Comment ça ? Jean-Claude se précipite vers lui, car il ne comprend pas. On s'est déshabillé, on s'est mis au pieu, on a fait 3 bisous, et la scène d'après, je m'en trouve ici avec toi au bistrot, ça veut dire quoi ? Ah non, mais ça c'est normal, c'est une ellipse. Une ellipse ? Mais c'est quoi ça ? Bah, c'est un truc cinématographique, c'est comme un raccourci. On comprend que vous allez faire l'amour, mais on fait l'impasse sur la scène de cul pour pas être graveleux, on fait ça tout le temps au cinoche. Mais pas du tout. Moi, quand je joue une cassette, on voit tout. Ouais, sauf que c'est pas les mêmes films. On peut pas montrer quand vous baisez, on va être interdit au moins de 18 ans, surtout Vislard comme t'es. Quand tu parles, le film c'est toi qui le réalise. Tu peux très bien tricher sur les cadrages. T'es pas obligé de faire des gros plans. Oui, sauf que là c'est terminé. Et puis maintenant, pour le spectateur, la fille tu l'as niquée. Voilà. Ok. Moi je sais très bien que la scène je l'ai pas tournée. Et donc là, Lucie, je l'ai pas niquée. Voilà. Oh là ! Devant la vulgarité du Jean-Claude, Jack Facial est consterné. Et bien entendu, il refuse immédiatement de poursuivre le tournage de ce film amateur. Il claque la porte, suivi de l'actrice, mais Jean-Claude récupère aussitôt son caméscope et décide de finir la séquence seul, complètement seul. Ainsi, mardi matin, il a tout de même pu expédier sa cassette vidéo au festival de Seattle. Et, vois-tu, les organisateurs, paraît-il, ont été surpris par ce film de gros boules intitulé, je te le rappelle, Les liaisons pornographiques. Allez, abordons à présent le très joli film Les liaisons pornographiques. Car oui, pornographiques, hein. Regardons ce merveilleux film. Monsieur Carlo, je vous en prie. Allons, arrêtez si magré. T'es comme une petite panthère, hein. T'es comme une petite panthère. Doucement, doucement, tu me fais mal. Oh, comme t'es... Oh, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Ah bah oui, forcément. Porno à 15 balles, je fais avec ce que j'ai, hein. J'espérais pas avoir Sharon Stone, hein. Bien, alors maintenant, dans les coursives du Mangin Palace, après avoir constaté que la carrière pornographique du Jean-Claude ne rivalisera sans doute jamais avec celle de Larry Flint, il est l'heure, bien sûr, désormais, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Ainsi, ce matin, dans son dictionnaire imaginaire, le mot qui compte triple pour Monsieur Julien Dugast, c'est « corbeau ». Pourquoi ? Eh bien, un seul nom suffit à justifier ce choix, Jean-Louis Gergorin, le type grâce à qui Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy se maravent la face en public depuis quelques jours. Oui, Jean-Louis Gergorin, c'est le corbeau de l'affaire Clearstream. C'est lui qui a envoyé anonymement les faux listings à la justice. Enfin, selon lui, il joue plutôt le rôle du pigeon. Mais bon, pour en savoir plus sur cet oiseau de mauvais augure, attention, on parle du corbeau en général là, notre facétieux reporter est allé à la rencontre de Monsieur Odon Valet, professeur de droit et docteur en sciences des religions. Donc, au cœur de cette rocambolesque affaire politico-financière, soyons très Clearstream sur le sujet et découvrons ensemble, juste après la virgule, la symbolique de ce piaf en noir. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Deux consonnes, une voyelle, cor. Une consonne, trois voyelles, beau, corbeau. Le corbeau, c'est un petit oiseau, c'est un mot qui vient du latin corbus. C'est pas faux. Qui a donné toute une famille de mots, d'où dérive corbeau et aussi corneille. Le droit de piquage, c'est le droit pour le corbeau d'un rang supérieur de donner des coups de bec à ceux d'un rang inférieur, ceux qui sont en dessous de lui, sans que ceux-ci puissent les lui rendre. C'est choquant, pas plus que le passage à tabac. Hein. Fin 19e siècle, début 20e, le corbeau, c'est un curé qu'on n'aime pas. On criait couac-couac sur son passage. Le canard enchaîné a souvent repris cette image du corbeau, noir comme la soutane du prêtre. Il y a eu d'autre part un poème d'Edgar Poe qui s'appelait « Le corbeau », en anglais de Raven, ouais, c'est pas faux. Qui a donné lieu d'ailleurs à un certain nombre de films. Ainsi, c'est vous. La détraquée qui nous empoisonne depuis des mois, c'est vous. Non, ce n'est pas moi. Je vous soupçonnais depuis trois jours, mais de là, vous pincez en flagrant délit. Je ne suis pas le corbeau. Je vous ai vu écrire. C'est la première fois. J'étais bien sûr que vous trouveriez un truc pour ne pas avouer. Les auteurs de lettres anonymes n'avouent jamais. Tu l'as bien trouvé. Seulement, votre obstination même à nier prouve que vous êtes coupable. Ce terme de corbeau, qui existait déjà d'ailleurs à la fin du 19e siècle, est passé en français courant pour désigner ce qu'on appelle dans l'argot des prisons une balance, c'est-à-dire quelqu'un qui dénonce souvent par un courrier anonyme. Quand un corbeau de rang supérieur, disons de deuxième rang par exemple, devient veuf, ou que sa femme l'a quitté, ça arrive ces choses-là chez les corbeaux, il se remarie. Et il épouse toujours une dame corbeau d'un rang inférieur à lui. Et la fille, enfin la jeune dame corbeau, dès qu'elle a eu couvé ses œufs et élevé ses petits, accède au rang de son mari. Et elle flanquera les coups de bec à celle qui la rossait auparavant, et elle se servira avant celle qui mangeait avant elle. En ce moment, c'est sur l'affaire Claire Stream, le corbeau, c'est Jean-Louis Gergorin, mais c'est un terme qui vient trois ou quatre fois par mois dans l'actualité. Et dès qu'il y a une affaire judiciaire, on parle de corbeau. Pauvre corbeau, on pense à la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, où le corbeau, un peu bébête, laisse échapper le camembert de son bec. Il n'est pas très malin, le corbeau. Ouais, hein. C'est pas faux. On a le sentiment que c'est pareil aujourd'hui, c'est-à-dire que les corbeaux, ils se font tous prendre. Regardez ce monsieur qui a envoyé des lettres anonymes concernant des hautes personnalités politiques avec une balle de fusil dedans. Il s'est fait prendre lui aussi un petit peu comme le corbeau de La Fontaine. Dites-moi qui ce grand corbeau noir. Dites-moi qui ce grand corbeau noir. Il ne faut pas oublier que la première cause des corbeaux, c'est tout simplement les amants, les maris, les épouses, tous ceux qui s'estiment trahis et trompés, qui dénoncent, qui balancent, comme on dit. Par exemple, qui balance au fisc que mon mari a planqué de l'argent en Suisse, etc. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Eh oui. Cette semaine aussi, une fois devenu le dindon de la farce, Jean-Louis Gergorin, honteux et confus, jure, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus. Pauvre corbeau. Cependant, attention, il ne faudrait pas se méprendre. Il y a bien pire comme situation, car n'est-ce pas horrible d'être la victime du corbeau ? Ça veut dire que je suis une victime. Parce qu'il faut le dire que je suis la victime de ce procès. Mais enfin, c'est pas aussi... Je peux poser mon paquet de mouchoirs ici ? Ça vous dérange pas ? Un paquet de mouchoirs. Oui, parce que j'ai été blessé. Blessé par cette affaire. Alors, dès que j'entends le mot Claire Stream, je m'effondre. C'est mon nom qui a été sali dans cette histoire. Oui, on rappelle que votre nom s'est retrouvé sur une liste de comptes occultes détenus par des personnalités au Luxembourg. Oh là là là là là. Quand j'ai appris ça, je me suis effondré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça vous a blessé à ce point-là ? Ça a été un coup de poignard. Vous me connaissez. Je me suis battu toute ma vie loyalement, honnêtement. Pas un coup bas, pas un mot de travers, idée contre idée. Tout ça pour qu'un beau matin, je sois frappé en plein vol par la calomnie et la honte. Je peux avoir un mouchoir ? J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et mon petit frère. J'aime la montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Saint-Lazare. On s'y entasse, il y a toujours une petite place. Mais pas pour les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Faut pas que les rhododendrons viennent me chatouiller les narines. Ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du nez. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons sont de la famille de plantes dicotylédones, grammes aux pétales comme les azalées. Ça veut tout dire. Faudrait pas croire que j'ai de la haine pour ces petites fleurs qui ont plein de graines. Dans mon jardin, il y en a plein, et je ne vais plus dans mon jardin. Si seulement il y avait des roses, des myosotis et des violettes ou des pâquerettes. Mais pas des rhododendrons. Qu'est-ce qu'il dit le bonhomme ? J'aime pas les rogros gringrons. Ah, il s'est trompé. Parce que les rodros grindons, ça s'arrange pas. C'est pas facile à épeler ce vache de hache pour le placer, c'est pas du nous. Bah. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons, c'est très sournois, faut s'en méfier. Ça fait de l'ombre à mes fraisiers, à mes azalées. Ça veut tout dire. J'aime pas les rhododendrons. Chatouiller les narines, ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du nez. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. S'il aime pas les rhododendrons, il a qu'à planter des J'aime pas les rhododendrons, c'était l'aveu de Sim en 1961, tandis que, de son côté, le poète Robert Desnos les aimait plutôt bien. Je me fais un édredon avec des rhododendrons, je me fais un oreiller avec des œillets. Alors maintenant, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Manchin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Eh bien, cette semaine, la presse s'ingénie à nous faire rêver. Elle a la grande idée de nous offrir des horizons lointains. Par exemple, l'indispensable National Geographic nous propose un dossier sur le Far West. La revue ouvre avec un zoom sur la ville de Tombstone. Il s'agit d'une ancienne cité minière dans l'Arizona, pas très loin de la frontière mexicaine. Et Tombstone, tout le monde connaît. Et oui, c'est dans cette ville que s'est déroulé le 26 octobre 1881 un duel légendaire. Vous vous souvenez ? D'un côté, il y avait la bande des frères McClory et les frères Clanton. Et de l'autre, c'était le shérif Herp, ses deux frères, et le dentiste flingueur Doc Holliday. Le duel s'est déroulé dans une écurie appelée Hockey Corral. Ah, et, excusez-moi Philippe, une remarque de Dominique. Dominique qui nous écoute à Villepreux, dans les Yvelines. Dominique de Villepreux. C'est lui qui vient de dire que Hockey Corral, c'est un parc d'attractions comparé au Palais de Justice de Paris. Écoutez Dominique, pour ma... Ah, excusez-moi Philippe, un autre auditeur qui, à côté de son poste, nous écoute à Sarcos, dans le Gers, et qui vient de dire que c'est donc règlement de compte à Hockey Coupable. Bon, écoutez, s'il vous plaît, revenons dans le Far West, car le National Geographic nous précise que dans le cimetière de Tombstone, là où sont ensevelis les frères McClory et les frères Clanton, les pierres tombales reflètent le fantasme d'un Far West sans foi ni loi, avec des épitaphes du genre « lynché », sobre, ou encore « pendu légalement », et j'aime bien celle-là « pendu par erreur ». Il avait raison, nous avions tort, mais nous l'avons pendu haut et court. Excusez-moi Philippe, j'entends à nouveau notre auditeur de Sarcos, dans le Gers, qui vient de dire à côté de son transistor que pendu haut et court, c'est un peu la version cow-boy du croc de boucher. Oui, effectivement. Alors l'article de National Geographic dépasse les clichetons d'un Far West sauvage, peuplé de cow-boys mal dégrossis qui se pintent au whisky et qui se tirent dessus pour un oui ou pour un non. Parce que Mr. Donald Hardesty, du laboratoire d'anthropologie de l'université de Reno, dans le Nevada, s'est lancé dans une campagne de fouilles sur le site de plusieurs anciens saloons de Virginia City. Et qu'est-ce qu'il a trouvé, Donald? Eh bien, évidemment, il a trouvé plein de fragments de verre, hein, il a trouvé des restes de nourriture, mais aussi d'autres petites découvertes plus surprenantes. Par exemple, des bouteilles d'eau minérale venues d'Allemagne. Ah, étonnant. Ou encore des bouteilles de champagne. Et une quantité faramineuse de coquilles d'huîtres. C'est train. Ouais, transportées par train depuis la baie de Chesapeake. Ah là, c'était ça le Far West aussi. Huîtres et champagne. Et le mot mondialisation n'existait pas encore, mais l'ampleur de l'espace mondial des échanges n'avait rien à envier au nôtre. Et voilà. Alors Philippe, il y a un siècle, avant-hier quoi, c'est dans cet ouest lointain que l'Europe, en pleine transition démographique, déversait son trop-plein de population en quête d'une vie meilleure. Et face à l'évocation de ces pionniers perçus aujourd'hui comme des héros qui fascinent, je me suis évidemment intéressé aux héros de notre temps, ceux qui traversent dans des conditions qu'on imagine à peine des terres inconnues pour arriver à Calais. Alors le Canard Enchaîné est parti à la rencontre de ces migrants et nous rapporte cette information, elle est assez incroyable, pour ne pas être renvoyés dans le pays européen où ils ont été pour la première fois fichés. C'est ce que prévoient les accords de Dublin. Ces hommes ont effacé leurs empreintes digitales. Tout simplement en mettant leurs mains sur un feu de bois ou sur du fer chauffé à blanc. Ouais, le Canard rapporte les paroles de Lily, présidente de l'association Terre d'Errance de Noranfonte, près de Calais, qui constate que ces migrants ont traversé des continents, qu'ils ont brûlé leurs mains et que ce ne serait pas minable de les accueillir les bras ouverts.